Rome, chapitre 11. Bien qu'il sût ne pouvoir se présenter chez le cardinal Sanguinetti que vers 11 heures, Pierre, qui avait pris un train matinal, descendit dès 9 heures à la petite gare de Frascati. Déjà, il y était venu en un de ses jours d'oisiveté forcée. Il avait fait l'excursion classique de ces châteaux romains qui vont de Frascati à Rocca di Papa et de Rocca di Papa au Mont Cave. Et il était charmé. Il se promettait 2 heures de promenade apaisante sur ces premiers coteaux des monts Albins où Frascati est bâti, parmi les roseaux, les oliviers et les vignes, dominant l'immense mer rousse de la campagne, comme du haut d'un promontoire, jusqu'à Rome lointaine qui blanchit, tel qu'un îlot de marbre, à 6 grandes lieues. Ah, ce Frascati, sur son mamelon verdoyant, au pied des hauteurs boisées du Tusculum, avec sa terrasse fameuse, d'où l'on a la plus belle vue du monde, avec ses anciennes villas patriciennes, aux fières et élégantes façades Renaissance, au parc magnifique, toujours vert, planté de cyprès, de pins et de chênes. C'était une douceur, une joie, une séduction dont il ne serait jamais lassé. Et depuis plus d'une heure, il errait délicieusement par les routes bordées d'antiques oliviers noueux, par les chemins couverts, qu'ombrageaient les grands arbres des propriétés voisines, par les sentiers odorants, au bout desquels, à chaque coude, la campagne se déroulait à l'infini, lorsqu'il fit une rencontre imprévue qui le contraria d'abord. Il était redescendu près de la gare, dans les terrains bas, d'anciennes vignes, où tout un mouvement de construction nouvelle s'était produit depuis quelques années. Et il fut surpris de voir une Victoria, très correctement attelée de 2 chevaux, qui venait de Rome, s'arrêter près de lui et de s'entendre appeler par son nom. « Comment, monsieur l'abbé Froment, vous ici en promenade, de si bonne heure ?» Alors il reconnut le comte Prada, qui, étant descendu, laissa la voiture vide achever la route, tandis qu'il faisait à pied les 200 ou 300 derniers 100 mètres à côté du jeune prêtre. Après une cordiale poignée de main, il expliqua son goût. « Oui, je me sers rarement du chemin de fer. Je viens en voiture. Ça promène mes chevaux. Vous savez que j'ai des intérêts par ici, toute une affaire de construction qui, malheureusement, ne va pas très bien. Et c'est pourquoi, malgré la saison avancée, je suis encore forcé d'y venir plus souvent que je ne voudrais. » Pierre, en effet, savait cette histoire. Les Boccanera avaient dû vendre la villa somptueuse, bâtie là par un cardinal, leur ancêtre, sur les plans de Jacques de la Porte, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Une demeure d'été royale, d'admirables ombrages, des charmilles, des bassins, des cascades, surtout une terrasse célèbre en te... Une terrasse célèbre entre toutes celles du pays, qui s'avançait comme un cap au-dessus de la campagne romaine, dont l'immensité sans fin va des montagnes de la Sabine au sable de la Méditerranée. Et dans le partage, Benedetta tenait de sa mère de vastes champs de vignes en bas de Frascati, qu'elle avait apportés en dot à Prada, au moment où la folie de la pierre soufflait de Rome sur les provinces. Aussi, Prada avait-il eu l'idée de construire là tout un quartier de villas bourgeoises, dans le goût de celles qui encombrent la banlieue de Paris. Mais peu d'acheteurs s'étaient présentés. L'effondrement financier était survenu, et il liquidait péniblement cette affaire fâcheuse après en avoir désintéressé sa femme dès leur séparation. « Et puis, continua-t-il, avec une voiture, on arrive, on part, quand on veut, tandis qu'on est esclave des heures du chemin de fer. Ainsi, j'ai ce matin rendez-vous avec des entrepreneurs, des experts, des avocats, et je ne sais le temps qu'ils vont me prendre. Un merveilleux pays, n'est-ce pas, dont nous avons raison d'être fiers à Rome. J'ai beau y avoir en ce moment des ennuis, je ne puis m'y retrouver sans que mon cœur batte de joie. » Ce qu'il ne disait pas, c'était que son ami, comme il la nommait, Lisbeth Kaufmann, venait de passer l'été dans une des Villeneuve, où elle avait installé son atelier de délicieux artistes, visité par toute la colonie étrangère, qui tolérait l'irrégularité de sa situation depuis la mort de son mari, grâce à sa gaieté et à sa peinture, juste assez pour être libre. On avait fini même par accepter sa grossesse, et elle était rentrée à Rome dès le milieu de novembre pour y accoucher d'un gros garçon dont la venue avait rallumé dans les salons blancs et dans les salons noirs les commérages passionnés sur le divorce imminent de Benedetta et de Prada. L'amour de ce dernier pour Frascati était sûrement fait de ses tendres souvenirs et de la grande joie d'orgueil où le jetait cette naissance d'un fils. Pierre, qui gardait en sa présence une gêne comme une sorte de malaise dans sa haine instinctive des hommes d'argent et de proie, voulut pourtant répondre à son amabilité parfaite en lui demandant des nouvelles de son père, le vieil Orlando, le héros de la conquête. « Oh, à part les jambes, il se porte à merveille, il vivra 100 ans. » Ce pauvre père, j'aurais été si heureux de l'installer dans une de ses petites maisons cet été. Mais jamais il n'a voulu. Il s'entête à ne pas quitter Rome, comme s'il craignait qu'on ne la lui reprît pendant son absence. Il éclata d'un beau rire, s'égayant tout seul à plaisanter ainsi l'âge héroïque et démodé de l'indépendance. Puis il ajouta, « Il me parlait encore de vous hier, monsieur l'abbé. Il s'étonne de ne pas vous avoir revu. » Cela chagrina Pierre, car il s'était mis à aimer Orlando d'une tendresse respectueuse. Deux fois, depuis la première visite, il était retourné le saluer. Et à chaque fois, le vieillard avait refusé de causer de Rome tant que son jeune ami n'aurait pas tout vu, tout senti, tout compris. Plus tard, il serait temps, lorsque l'un et l'autre pourraient conclure. « Je vous en prie, s'écria Pierre, veuillez lui dire que je ne l'oublie pas et que si ma visite se fait attendre, c'est que je désire le satisfaire. Mais je ne partirai pas sans aller lui dire combien j'ai été touché de son accueil. » Tous deux continuaient à marcher lentement par la route montante au milieu des quelques villas nouvelles dont plusieurs n'étaient même pas achevées. Et lorsque Prada sut que le prêtre était venu pour se présenter chez le cardinal Sanguinetti, il eut un nouveau rire, son rire de loup aimable qui découvrait ses dents blanches. « C'est vrai, il est ici depuis que le pape est souffrant. Ah, vous allez le trouver dans un bel état de fièvre. » « Pourquoi donc ?» Mais parce que les nouvelles de la santé du Saint-Père ne sont pas bonnes ce matin. Quand j'ai quitté Rome, le bruit courait qu'il avait passé une nuit affreuse. » Il s'était arrêté à un coude de la route devant une antique chapelle, une petite église, d'une grâce solitaire et triste, à la lisière d'un bois d'olivier. Et tout à côté se trouvait une masure tombant en ruine, l'ancienne cure sans doute, d'où sortait un prêtre, grand, noueux, la face épaisse et terreuse, qui, d'un double tour de clé, ferma rudement la porte avant de s'éloigner. « Tenez !» reprit railleusement le comte. « En voici un dont le cœur doit battre aussi bien fort et qui monte sûrement chez votre cardinal aux nouvelles. » Pierre, surpris, avait regardé le prêtre. « Je le connais, » dit-il. « C'est lui, si je ne me trompe, que j'ai vu le lendemain de mon arrivée chez le cardinal Boccanera, auquel il apportait un panier de figues en venant lui demander un bon certificat pour son jeune frère, qu'une violence, un coup de couteau, je crois, avait fait mettre en prison, certificat d'ailleurs que le cardinal lui avait refusé absolument. C'est lui-même, n'en doutez pas, car il a été autrefois un familier de la Villa Bocanera, où son jeune frère était jardinier. Aujourd'hui, il est le client, la créature du cardinal Sanguinetti. Ah, une figure curieuse que ce Santobono, comme vous n'en avez pas en France, je suppose. Il vit tout seul, dans ce logis qui croule, il dessert cette vieille chapelle de Sainte-Marie-des-Champs où l'on ne vient pas entendre la messe 3 fois par année. Oui, une véritable sinécure qui lui permet de vivre avec son 1000 francs de traitement en paysan philosophe, cultivant le jardin assez vaste que vous voyez là, entouré de grands murs. En effet, le clos s'étendait sur la pente, derrière la cure, fermé soigneusement de toutes parts, comme un refuge farouche où les regards eux-mêmes ne pénétraient pas. Et l'on apercevait, par-dessus la muraille de gauche, qu'un superbe figuier, un figuier géant, dont les feuilles hautes se découpaient en noir sur le ciel clair. Prada s'était remis à marcher, et il continuait à parler de Santobono, qui l'intéressait évidemment. Un prêtre patriote, un garibaldien, né à Nemi, dans ce coin resté sauvage des monts Albins. Il était du peuple, encore près de la terre, mais il avait étudié, et il savait assez d'histoire pour connaître la grandeur passée de Rome, et pour rêver le rétablissement de l'Empire romain, au profit de la jeune Italie. Et il s'était mis à croire passionnément qu'un grand pape seul pouvait réaliser ce rêve, en s'emparant du pouvoir, puis en conquérant toutes les autres nations. Quoi de plus simple, puisque le pape commandait à 10 millions de catholiques? Est-ce que la moitié de l'Europe n'était pas à lui? La France, l'Espagne, l'Autriche céderaient dès qu'elles le verraient puissant, dictant des lois au monde. Quant à l'Allemagne et à l'Angleterre, à toutes les nations protestantes, elles seraient inévitablement conquises, la papauté étant l'unique digue qu'on pût opposer à l'erreur, qui devait un jour se briser contre elle. Politiquement, il s'était, malgré ça, déclaré en faveur de l'Allemagne, dans la pensée que la France avait besoin d'être écrasée pour se jeter entre les bras du Saint-Père. Et les contradictions, les imaginations folles, se heurtaient ainsi dans cette tête fumeuse, où les idées brûlaient, tournaient vite à la violence, sous la rudesse primitive de la race. Un barbare de l'Évangile, un ami des humbles et des souffrants, qui était de la famille des sectaires exaltés, capable des grandes vertus et des grands crimes. « Oui, conclut Prada, il s'est donné au cardinal Sanguinetti parce qu'il a vu en lui le grand pape possible, le pape de demain, qui doit faire de Rome l'unique capitale des peuples. Et cela ne va pas non plus sans quelque ambition plus basse, celle, par exemple, de conquérir un titre de chanoine, ou celle encore de se faire aider dans les petits désagréments de l'existence, comme le jour où il a eu besoin de tirer son frère d'embarras. On met sa chance sur un cardinal, ainsi qu'on nourrit un terne à la loterie. Si le cardinal sort pape, on gagne une fortune. C'est pourquoi vous le voyez là-bas marcher à si longues enjambées, dans la hâte de savoir si Léon XIII va mourir et si son terne sortira avec Sanguinetti coiffant la tiare. » Intéressé et pris d'inquiétude, Pierre demanda « Croyez-vous donc le pape malade à ce point ?» Le comte sourit, leva les deux bras. « Ah, est-ce qu'on sait ? Ils sont tous malades quand ils ont intérêt à l'être. Mais je le crois vraiment indisposé. Un dérangement d'entrailles, dit-on. Et à son âge, la moindre indisposition peut devenir fatale. » Quelques pas furent faits en silence. Puis, de nouveau, le prêtre posa une question. « Alors, si le Saint-Siège se trouvait libre, le cardinal Sanguinetti aurait de grandes chances ?»« De grandes chances, de grandes chances. voilà encore une de ces choses qu'on ne sait jamais. La vérité est qu'on le classe parmi les candidats possibles. Et si le désir d'être pape suffisait, Sanguinetti serait sûrement le pape futur, car il y met une passion, une fougue de volonté extraordinaire, brûlé jusqu'aux os par cette ambition suprême. C'est même là sa faiblesse. Il s'use et il le sent. Aussi doit-il être décidé à tout pour les derniers jours de lutte. Soyez certain que s'il est venu s'enfermer ici, en ce moment critique, ce doit être afin de mieux diriger sa bataille de loin, tout en affectant un désir de retraite, un détachement du meilleur effet. Et il s'étendit complaisamment sur Sanguinetti, dont il aimait l'intrigue, l'âpre appétit de conquête, l'activité excessive, même un peu brouillonne. Il l'avait connu à son retour de l'annonciature de Vienne, rompu aux affaires, résolu dès lors à mettre la main sur la tiare. Cette ambition expliquait tout, ses brouilles et ses raccommodements avec le pape régnant, sa tendresse pour l'Allemagne, suivie d'une brusque évolution vers la France, ses attitudes successives devant l'Italie, d'abord le souhait d'une entente, puis une intransigeance absolue, pas de concession tant que Rome ne serait pas évacuée. Et il semblait s'en tenir là désormais. Il affectait de déplorer le règne flottant de Léon XIII, de garder sa fervente admiration à Pie IX, le grand pape héroïque de la résistance, dont le bon cœur n'empêchait pas l'inébranlable fermeté. C'était dire que lui restaurerait la bonhomie sans faiblesse dans l'Église, en dehors des complaisances dangereuses de la politique. Pourtant, il ne rêvait que de politique, au fond. Il avait dû en arriver à tout un programme, volontairement vague, mais que ses clients, ses créatures, répandaient d'un air de mystère extasié. Depuis une autre indisposition du pape, qui datait déjà du printemps, il vivait dans une inquiétude mortelle, car le bruit avait couru que les jésuites, bien que le cardinal Boccanera ne les aimât guère, se résignerait à le soutenir. Sans doute, ce dernier était rude, d'une piété outrée, dangereuse en ce siècle de tolérance. Seulement, n'appartenait-il pas au patriciat? Son élection ne signifierait-elle pas que jamais la papauté ne renoncerait au pouvoir temporel? Dès lors, Boccanera était devenu l'homme redoutable aux yeux de Sanguinetti, lequel ne vivait plus, se voyait dépouillé, passait ses heures à chercher la combinaison qui le débarrasserait de ce rival tout-puissant. Sans ménager les histoires abominables sur ses complaisances pour Benedetta et Dario, sans cesser de le représenter comme l'antéchrist dont le règne devait consommer la ruine de la papauté. Sa dernière combinaison, afin de s'assurer l'appui des jésuites, était donc de faire répandre par ses familiers que lui, non seulement maintiendrait intact le principe du pouvoir temporel, mais encore qu'il s'engageait à reconquérir ce pouvoir. Et il avait tout un plan qu'on se chuchotait à l'oreille, un plan d'une victoire certaine, foudroyant dans ses résultats, malgré d'apparentes concessions. Ne plus défendre aux catholiques de voter et d'être candidat. Envoyer à la Chambre 100 membres, puis 200, puis 300. Renverser alors la monarchie de Savoie pour installer une sorte de vaste fédération des provinces italiennes dont le Saint-Père, rentré en possession de Rome, deviendrait le président auguste et souverain. En terminant, Prada se mit à rire de nouveau, montrant ses dents blanches, peu faites pour lâcher la proie. Vous voyez que nous avons à bien nous défendre, car il s'agit de nous jeter dehors. Heureusement qu'il y a à tout cela de petits empêchements. Mais de tels rêves n'en ont pas moins une action énorme sur certaines cervelles exaltées, comme celle de ce Santobono, par exemple. Et tenez, En voilà un que Sanguinetti mènerait loin, d'un mot s'il voulait. Il a de bonnes jambes. Regardez-le donc là-haut, il est arrivé. Il entre dans le petit palais du cardinal, cette villa toute blanche qui a des balcons sculptés. En effet, on apercevait le petit palais, une des premières maisons de Frascati, construction moderne, de style Renaissance, et dont les fenêtres s'ouvraient sur l'immensité de la campagne romaine. Il était 11 heures, et comme Pierre prenait congé du comte pour monter faire lui-même sa visite, celui-ci garda un instant sa main dans la sienne. « Vous ne savez pas, si vous étiez très gentil, eh bien, vous déjeuneriez avec moi, voulez-vous ? Dès que vous serez libre, venez me rejoindre à ce restaurant, là, cette façade rose. » Moi, en 1 heure, j'aurai réglé mes affaires, et je serai ravi de ne pas manger seul. » D'abord, Pierre refusa, se défendit, mais il n'avait aucune excuse possible, et il dut se rendre enfin, cédant malgré lui au charme réel de Prada. Dès qu'ils se furent séparés, il n'eut qu'à monter une rue pour se trouver à la porte du cardinal. Ce dernier était d'un abord très facile, par un besoin naturel d'expansion, par un calcul aussi de jouer à l'homme populaire. À Frascati surtout, ses portes s'ouvraient à 2 battants, même devant les plus humbles soutanes. Le jeune prêtre fut donc introduit tout de suite, un peu étonné de cet accueil, en se souvenant de la mauvaise humeur du domestique de Rome, qui lui avait déconseillé le voyage. Son éminence n'aimant pas à être dérangée quand elle était souffrante. À la vérité, il n'était guère question de maladie, car tout souriait, tout luisait dans cette aimable villa, inondée de soleil. Le salon d'attente, où l'on venait de le laisser seul, meublé d'un affreux meuble de velours rouge, n'avait ni luxe ni confort, mais il était égayé par la plus belle lumière du monde, et il donnait sur cette extraordinaire campagne, si plate, si nue, d'une beauté sans égale, toute de rêve dans le continuel mirage du passé. Aussi, en attendant d'être reçu, alla-t-il se planter à une des fenêtres, grande ouverte sur un balcon, émerveillé, parcourant des yeux la mer sans fin des herbages, jusqu'aux blancheurs lointaines de Rome, que dominait le dôme de Saint-Pierre, une petite tache étincelante, à peine large comme l'ongle du petit doigt. Il s'oubliait là, lorsque le bruit d'une conversation, dont les mots lui arrivaient très nets, le surprit. Il se pencha, il finit par comprendre que c'était son éminence elle-même, debout sur le balcon voisin, qui causait avec un prêtre, dont il voyait seulement un bout de soutane. Tout de suite, d'ailleurs, il avait reconnu Santo Bono. Son premier mouvement fut de se retirer, par discrétion, et puis les paroles qu'il entendit le retinrent. « Nous allons savoir dans un instant, » disait son éminence de sa voix grasse. « J'ai envoyé Euphemio à Rome, je n'ai de confiance qu'en lui, et voici le train qui le ramène. » En effet, un train arrivait par la vaste plaine, petit encore, tel qu'un jouet d'enfant. Ce devait être pour le guetter que Sanguinetti était venu s'accouder à la balustrade du balcon. Et il restait là, les yeux sur Rome, au loin. Santo Bono prononça passionnément quelques mots que Pierre entendit mal. Mais tout de suite, le cardinal reprit distinctement. « Oui, oui, mon cher, une catastrophe serait un grand malheur. Ah, que Dieu nous conserve longtemps encore sa sainteté !» Il s'arrêta, et comme il n'était pas hypocrite, il compléta sa pensée. « Du moins qu'il nous la conserve en ce moment, car l'heure est mauvaise. Je suis dans l'angoisse la plus affreuse. Les partisans de l'Antéchrist ont gagné beaucoup de terrain dans ces derniers temps. » Un cri échappa à Santo Bono. « Oh, votre éminence agira, triomphera !»« Moi, mon cher, Mais que voulez-vous que je fasse? Je ne suis qu'à la disposition de mes amis, de ceux qui croiront en moi, uniquement pour la victoire du Saint-Siège. C'est eux qui doivent agir, travailler chacun dans ses moyens à barrer la route aux méchants, de manière à ce que les bons réussissent. Ah, si l'Antéchrist règne! Ce mot d'Antéchrist qui revenait ainsi troublait beaucoup Pierre. Tout d'un coup, il se souvint de ce que lui avait dit le comte. L'Antéchrist, c'était le cardinal Boccanère. Mon cher, songez à cela. L'Antéchrist au Vatican, consommant la ruine de la religion par son orgueil implacable, sa volonté de faire, sa sombre folie du néant. Car il n'y a plus à en douter, il est la bête de mort annoncée par les prophéties, celle qui menace de tout engloutir avec elle, dans sa furieuse course aux ténèbres de l'abîme. Je le connais, il ne rêve qu'obstination et qu'effondrement. Il prendra les piliers du temple et les ébranlera pour s'abîmer sous les décombres, lui et la catholicité entière. Je ne lui donne pas 6 mois, sans qu'il soit chassé de Rome, fâché avec toutes les nations, exécré de l'Italie, traînant par le monde le fantôme errant du dernier pape. Un grognement sourd, un juron étouffé de Santo Bono, accueillit cette effroyable prédiction. Mais le train était arrivé en gare, et parmi les quelques voyageurs qui venaient d'en descendre, Pierre distinguait un petit abbé dont la soutane battait les cuisses tant il marchait vite. C'était l'abbé Euphémio, le secrétaire du cardinal. Quand il eut aperçu celui-ci au balcon, il lâcha tout respect humain, il se mit à courir pour gravir la rue en pente. « Ah ! Voici Euphémio ! » s'écria son éminence, frémissante d'anxiété. « Nous allons savoir ! Nous allons savoir, enfin !» Le secrétaire s'était engouffré sous la porte et il dut monter si vivement que Pierre, presque aussitôt, le vit traverser hors d'haleine le salon d'attente où il se trouvait, puis disparaître dans le cabinet du cardinal. Celui-ci avait quitté le balcon pour aller à la rencontre de son messager. Mais il y revint, au milieu de questions, d'exclamations, de tout un tumulte causé par les mauvaises nouvelles. « Alors, c'est bien vrai, la nuit a été mauvaise. Sa sainteté n'a pas dormi un instant. Des coliques, vous a-t-on raconté ? Mais à son âge, rien n'est plus grave, ça peut l'emporter en 2 heures. Et les médecins, que disent-ils ? » La réponse ne parvint pas à Pierre. Seulement, il comprit en entendant le cardinal reprendre. « Oh, les médecins, ils ne savent jamais. D'ailleurs, quand ils ne veulent plus parler, c'est que la mort n'est pas loin. Mon Dieu, quel malheur! Si la catastrophe ne peut être reculée de quelques jours !» Il se tut, et Pierre le sentit, les yeux de nouveau sur Rome, là-bas, regardant de toute son angoisse ambitieuse le dôme de Saint-Pierre, la petite tache étincelante, à peine grande comme l'ongle du petit doigt, au milieu de l'immense plaine rousse. Quel trouble, quelle agitation si le pape était mort! Et il aurait voulu n'avoir qu'à étendre le bras pour prendre dans le creux de sa main la ville éternelle, la ville sacrée, qui ne tenait pas plus de place à l'horizon qu'un tas de gravier jeté là par l'appel d'un enfant. Déjà, il rêvait du conclave lorsque les dais des autres cardinaux s'abattraient et que le sien, immobile, souverain, le couronnerait de pourpre. « Mais vous avez raison, mon cher !» s'écria-t-il en s'adressant à Santo Bono. « Il faut agir, c'est pour le salut de l'Église. Et puis, il n'est pas possible que le ciel ne soit pas avec nous, qui voulons uniquement son triomphe. S'il le faut, au moment suprême, il saura bien foudroyer l'Antéchrist. » Alors, pour la première fois, Pierre entendit nettement Santo Bono, qui disait d'une voix rude, avec une sorte de sauvage décision, « Oh, si le ciel tarde, on l'aidera !» Puis ce fut tout. Il ne saisit plus qu'un murmure confus. le balcon était vide, et son attente recommença dans le salon ensoleillé, d'une gaieté calme et délicieuse. Brusquement, la porte du cabinet de travail s'ouvrit toute grande. Un domestique l'introduisit, et il fut étonné de trouver le cardinal seul, sans avoir vu sortir les deux prêtres, qui s'en étaient allés par une autre porte. Dans la vive lumière blonde, le cardinal était debout près d'une fenêtre, avec sa face colorée au nez fort, aux grosses lèvres, son air de jeunesse trapue et vigoureuse malgré ses 60 ans. Il avait repris le sourire paternel dont il accueillait les plus humbles, par bonne politique. Et tout de suite, dès que Pierre se fut incliné et eut baisé l'anneau, il lui indiqua une chaise. « Asseyez-vous, cher fils, asseyez-vous. Voyons, vous venez pour cette malheureuse affaire de votre livre. Je suis bien heureux d'en causer avec vous. » Lui-même avait pris une chaise devant cette fenêtre ouverte sur Rome, dont il semblait ne pouvoir s'éloigner. Le prêtre s'aperçut qu'il ne l'écoutait guère, les yeux de nouveau là-bas, vers la proie si chaudement désirée, pendant qu'il s'excusait d'être venu le troubler dans son repos. Pourtant, l'apparence d'aimable attention était parfaite. Il s'émerveilla de la volonté que cet homme devait avoir pour paraître si calme, si dévoué aux affaires des autres, lorsqu'un tel vent de tempête soufflait en lui. « Votre éminence daignera donc me pardonner. « Mais vous avez bien fait de venir, puisque ma santé chancelante me retient ici. Je vais un peu mieux, d'ailleurs, et il est très naturel que vous désiriez me fournir des explications, défendre votre œuvre, éclairer mon jugement. Même, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, car je sais que votre foi est grande et que vous n'épargnez pas vos démarches pour convertir vos juges. « Parlez, cher fils, je vous écoute, de toute la bonne joie que j'aurai à vous absoudre. » Et Pierre se laissa prendre à ces bienveillantes paroles. Un espoir lui revint, celui de gagner à sa cause le préfet de l'Index, tout puissant. Il le jugeait déjà d'une intelligence rare, d'une cordialité exquise, cet ancien nonce qui avait appris à Bruxelles d'abord, puis à Vienne, l'art mondain de renvoyer ravis les gens qu'il bernait, en leur promettant tout sans leur rien accorder. Aussi retrouva-t-il une fois encore sa flamme d'apôtre pour exposer ses idées sur la Rome de demain, la Rome qu'il rêvait, de nouveau maîtresse du monde, si elle revenait au christianisme de Jésus, dans l'ardent amour des petits et des humbles. Sanguinetti souriait, hochait doucement la tête, s'exclamait de ravissement. « Très bien, très bien, c'est parfait. Ah, je pense comme vous, cher fils, on ne peut mieux dire. Mais c'est l'évidence même, vous êtes là avec tous les bons esprits. » Puis, tout le côté poésie le touchait profondément, disait-il. Il aimait à passer, comme Léon XIII, par rivalité sans doute, pour un latiniste des plus distingués, et il avait voué à Virgile une tendresse spéciale et sans borne. « je sais, votre page sur le printemps qui revient, consolant les pauvres que l'hiver a glacés. Oh, je l'ai relu 3 fois. Et vous doutez-vous que vous êtes plein de tournures latines? J'ai noté chez vous plus de 50 expressions qu'on retrouverait dans les églogues. Un charme, votre livre, un vrai charme. » Comme il n'était point sot et qu'il sentait là, dans ce petit prêtre, une grande intelligence, il finissait par s'intéresser, non pas à lui, mais au profit quelconque qu'il y avait peut-être attiré de lui. C'était, dans sa fièvre d'intrigue, sa continuelle préoccupation, tirer des autres, des créatures que Dieu lui envoyait, tout ce qu'elle lui apportait d'utile à son propre triomphe. Et il se détournait un instant de Rome, il regardait en face son interlocuteur, l'écoutait parler, en se demandant à quoi il pourrait bien l'employer, tout de suite dans la crise qu'il traversait, ou plus tard quand il serait pape. Mais le prêtre commit encore une fois la faute d'attaquer le pouvoir temporel de l'Église et de prononcer les mots malencontreux de « religion nouvelle ». D'un geste, le cardinal l'arrêta, toujours souriant, sans rien perdre de son amabilité, bien que sa résolution, prise depuis longtemps, fût dès lors confirmée et définitive. « Certainement, cher fils, vous avez raison sur bien des points, et je suis souvent avec vous. »« Oh, tout à fait. » Seulement, voyons, vous ignorez sans doute que je suis ici le protecteur de Lourdes. Alors, après la page que vous avez écrite sur la grotte, comment voulez-vous que je me prononce pour vous, contre les pères ? Pierre fut atterré par ce fait, qu'il ignorait en effet. Personne n'avait eu la précaution de l'avertir. À Rome, les œuvres catholiques du monde entier ont chacune pour protecteur un cardinal désigné par le Saint-Père, chargé de la représenter et de la défendre au besoin. « C'est bon, père, » continua doucement Sanguinetti. « Vous leur avez fait beaucoup de peine. Et vraiment, nous avons les mains liées. Nous ne pouvons augmenter leur chagrin davantage. Si vous saviez le nombre de messes qu'ils nous envoient, sans eux, je connais plus d'un de nos pauvres prêtres qui mourrait de faim. » Il n'y avait qu'à s'incliner. Pierre se heurtait une fois de plus à cette question d'argent, à la nécessité où se trouvait le Saint-Siège d'assurer son budget, bon an, mal an. C'était toujours le servage du pape, que la perte de Rome avait libéré du souci de régner, mais que sa gratitude forcée pour les aumônes reçues clouait quand même à la terre. Les besoins étaient si grands que l'argent régnait, était la puissance souveraine devant laquelle tout pliait en cour de Rome. Sanguinetti se leva pour donner congé aux visiteurs. « Mais, cher fils, reprit-il avec effusion, ne vous désespérez pas, je n'ai d'ailleurs que ma voix. Je vous promets de tenir compte des excellentes explications que vous venez de me fournir. Et qui sait ? « Si Dieu est avec vous, il vous sauvera, même malgré nous. » C'était son ordinaire tactique. Il avait pour principe de ne jamais pousser personne à bout en renvoyant les gens sans espoir. À quoi bon dire à celui-ci que la condamnation de son livre était chose faite et que le seul parti prudent serait de le désavouer ? Il n'y avait qu'un sauvage, comme Boccanera, pour souffler la colère sur les âmes de feu et les jeter à la rébellion. « Espérez, espérez » répéta-t-il avec son sourire, en ayant l'air de sous-entendre une foule de choses heureuses qu'il ne pouvait dire. Pierre, profondément touché, se sentit renaître. Il oubliait même la conversation qu'il avait surprise, cette âpreté d'ambition, cette rage sourde contre le rival redouté. Et puis, chez les puissants, l'intelligence ne pouvait-elle tenir lieu de cœur ? Si celui-ci était pape un jour, et s'il avait compris, ne serait-il pas peut-être le pape attendu, acceptant la tâche de réorganiser l'Église des États-Unis d'Europe, maîtresse spirituelle du monde ? Il le remercia avec émotion, s'inclina, et le laissa à son rêve, debout devant cette fenêtre grande ouverte, d'où Rome lui apparaissait au loin toute précieuse et luisante comme un joyau, telle la tiare d'or et de pierreries, dans le resplendissement du soleil d'automne. Il était près d'une heure lorsque Pierre et le comte Prada purent enfin déjeuner à une des petites tables du restaurant où ils s'étaient donné rendez-vous. Leurs affaires les avaient retardés l'un et l'autre, Mais le comte paraissait fort gai, ayant réglé à son avantage des questions fâcheuses, et le prêtre lui-même, repris d'espérance, s'abandonnait, se laissait délicieusement vivre dans la douceur de ce dernier beau jour. Aussi, le déjeuner fut-il charmant, au milieu de la grande salle claire, peinte en bleu et en rose, absolument déserte à cette époque de l'année. Des amours volaient au plafond, des paysages rappelant de loin les châteaux romains décoraient les murs. Et ils mangèrent des choses fraîches, ils burent de ce vin de Frascati, qui a un goût brûlé de terroir, comme si les anciens volcans avaient laissé à la terre un peu de leur flamme. Longuement, la conversation roula sur les monts Albins, dont la grâce farouche domine si heureusement la plate campagne romaine, pour le plaisir des yeux. Pierre, qui avait fait la classique excursion en voiture, de Frascati à Nemi, était resté sous le charme, et il en parlait encore avec feu. C'était d'abord l'adorable chemin de Frascati à Albano, montant et descendant au flanc des collines plantées de roseaux, de vignes et d'oliviers, parmi lesquelles s'ouvraient de continuelles échappées sur l'immensité houleuse de la campagne. À gauche, le village de Rocca di Papa, en amphithéâtre, blanchissait sur un mamelon, au-dessous du mont Cave, couronné de grands arbres séculaires. De ce point de la route, lorsqu'on se retournait vers Frascati, on apercevait, très haut, à la lisière d'un bois de pin, les ruines lointaines de Tusculum, de grandes ruines rousses, cuites par des siècles de soleil, et d'où la vue sans bornes devait être admirable. Puis, on traversait Marino, à la grande rue en pente, à la vaste église, au vieux palais noirci et à demi-mangé des colonnes. Puis, après un bois de chênes verts, on longeait le lac d'Albano, spectacle unique au monde. Les ruines d'Albe la Longue en face, de l'autre côté des eaux immobiles, clair miroir. Le mont Cave à gauche, avec Rocca di Papa et Palazzuola, et Castel Gandolfo à droite, dominant le lac, comme du haut d'une falaise. Dans le cratère éteint, ainsi qu'au fond d'une coupe de verdure géante, le lac dormait, lourd et mort, une nappe de métal fondu, que le soleil moirait d'or d'un côté, tandis que l'autre moitié, dans l'ombre, était noire. Et la route montait ensuite, jusqu'à Castel Gandolfo, perché sur son rocher, tel qu'un oiseau blanc entre le lac et la mer, toujours rafraîchi par une brise, même aux heures les plus brûlantes de l'été, autrefois célèbre par sa villa des papes, où Pie IX aimait à vivre des journées d'indolence, où Léon XIII n'est jamais venu. Et la route descendait ensuite, et les chênes verts recommençaient, des chênes verts fameux par leur énormité, une double rangée de colosses, de monstres aux membres tordus, deux ou trois fois centenaires. Et l'on arrivait enfin à Albano, une petite ville moins nettoyée, moins modernisée que Frascati, un coin de terroir qui a gardé un peu de son odeur d'ancienne sauvagerie. Et c'était encore Ariccia, avec le palais Chigi, des coteaux couverts de forêts, des ponts enjambant des gorges débordantes d'ombragés. Et c'était encore Genzano, c'était encore Nemi, de plus en plus reculés et farouches, perdus au milieu des rocs et des arbres. Ah, ce Nemi, quel souvenir ineffaçable Pierre en avait gardé! Ce Nemi, au bord de son lac, ce Nemi délicieux de loin, d'une apparition si charmeresse, évocatrice des anciennes légendes, des villes fées, nées dans la verdure du mystère des eaux. Et d'une saleté repoussante quand on l'aborde enfin, groulant de partout, dominé encore par la tour des Orsini, comme par le génie mauvais des anciens âges, qui semble y maintenir les mœurs féroces, les passions violentes et les coups de couteau. Il était de là, ce Santobono dont le frère avait tué, et qui lui-même semblait brûler d'une flamme meurtrière avec ses yeux de crime, luisant tels que des braises. Et le lac rond comme une lune éteinte, tombé là dans ce fond de cratère. Cette coupe, plus profonde et plus étroite qu'au lac d'Albano, couverte d'arbres d'une vigueur et d'une densité prodigieuses. Les pins, les ormes, les saules, en un flot vert de branches qui s'écrasent, descendent jusqu'à la rive. Cette fécondité formidable naît des continuelles vapeurs d'eau qui se dégagent sous l'action torride du soleil, dont les rayons s'amassent dans ce creux, en un foyer de fournaise. C'est une humidité chaude et lourde. Les allées des jardins environnants se verdissent de mousse. Des brouillards épais emplissent souvent le matin l'immense coupe d'une vapeur blanche, comme d'un lait fumeux de sorcière aux louches maléfices. Et Pierre se souvenait bien de son malaise, devant ce lac où paraissent dormir des atrocités anciennes, toute une religion mystérieuse d'abominables pratiques au milieu de l'admirable décor. Il l'avait vu, à l'approche du soir, dans l'ombre de sa ceinture de forêt, telle qu'une plaque de métal terni, noire et argent, d'une immobilité pesante. Et cette eau très claire, mais si profonde, cette eau déserte, sans une barque, cette eau morte, auguste et sépulcrale, lui avait laissé une indicible tristesse, une mélancolie à en mourir, la désespérance des grands rutes solitaires, la terre et les eaux gonflées de la douleur muette des germes, inquiétantes de fécondité. Ah, ces bords noirs qui s'enfonçaient, ce lac morne et noir qui gisait là-bas, au fond. Le comte Prada s'était mis à rire de cette impression. Oui, oui, c'est vrai, le lac de Nemi n'est pas gai tous les jours. Je l'ai vu par des temps gris, couleur de plomb, et les grands soleils, tout en l'éclairant, ne l'animent guère. Pour mon compte, je sais que je périrais d'ennui s'il me fallait vivre en face de cette eau toute nue. Mais il a pour lui les poètes et les femmes romanesques, celles qui adorent les grandes amours passionnées au dénouement tragique. Puis, comme les deux convives s'étaient levés de table pour aller prendre le café sur une terrasse, la conversation changea. « Est-ce que ce soir, reprit le comte, vous comptez vous rendre à la réception du prince Buongiovanni ? Ce sera, pour un étranger, un spectacle curieux que je vous conseille de ne pas manquer. » « Oui, j'ai une invitation, » répondit Pierre. « C'est un de mes amis, M. Narcisse Habert, un attaché de notre ambassade, qui me l'a procuré et qui, du reste, doit m'y conduire. » En effet, il devait y avoir, le soir même, une fête au palais Buongiovanni, sur le Corso, un de ces rares galas comme il ne s'en donne que deux ou trois par hiver. On racontait que celui-ci dépasserait tout en magnificence, car il avait lieu à l'occasion des fiançailles de Celia, la petite princesse. Brusquement, le prince, après avoir giflé sa fille, disait-on, et avoir lui-même couru des risques sérieux d'apoplexie, dans une crise d'effroyable colère, venait de céder devant le tranquille et doux entêtement de la jeune fille, en consentant à son mariage avec le lieutenant Attilio, le fils du ministre Sacco. Et tous les salons de Rome, le monde blanc aussi bien que le monde noir, en étaient bouleversés. Le comte Prada s'égayait de nouveau. « Vous verrez un beau spectacle, je vous assure. Moi, j'en suis enchanté. » pour mon bon cousin Attilio, qui est vraiment un très honnête et très charmant garçon. Et rien au monde ne me ferait manquer l'entrée dans les antiques salons des Buongiovanni, de mon cher oncle Sacco, qui vient enfin de décrocher le portefeuille de l'agriculture. Ce sera vraiment extraordinaire et superbe. Ce matin, mon père, qui prend tout au sérieux, m'a dit qu'il n'en avait pas fermé l'œil de la nuit. » Il s'interrompit pour reprendre aussitôt. « Dites donc, il est déjà 2h30. Vous n'aurez plus un train avant 5h. Et vous ne savez pas ce que vous devriez faire. Ce serait de rentrer à Rome avec moi, en voiture. » Mais Pierre se récriait. « Non, non, merci mille fois. Je dîne avec mon ami Narcisse, je ne puis m'attarder. » « Eh, vous ne vous attarderez pas, au contraire. Nous allons partir à 3h. Nous serons à Rome avant 5h. Il n'y a pas de promenade plus délicieuse à faire quand le jour tombe. Et voyons, je vous promets un admirable coucher de soleil. » Il fut si pressant que le prêtre dut accepter, gagné décidément par tant d'amabilité et de belle humeur. Ils passèrent encore une heure fort agréable à causer de Rome, de l'Italie, de la France. Ils étaient remontés un instant dans Frascati, où le comte voulait revoir un entrepreneur. Et comme 3h sonnaient, ils partirent enfin, mollement bercés côte à côte sur les coussins de la Victoria, au trot léger des deux chevaux. C'était délicieux, en effet, ce retour à Rome, au travers de l'immense campagne nue, sous le grand ciel limpide, par cette fin exquise de la plus douce des journées d'automne.